Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau ou ailleurs. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, le vrai spécialiste dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et aussi conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec en vélo de montagne ce week-end à Saint-Félicien. Le restaurant Midas vous invite à venir profiter de l'été et vous offre pour tout le mois de juillet sa nouveauté, le Bubble Tea, à 4$ plus taxes seulement. Le restaurant Midas de Saint-Félicien, c'est une des meilleures poutines au Québec. C'est le poulet barbecue, le poulet frit, la pizza, le bar laitier et les déjeuners. Que ce soit en salle à manger ou pour emporter, c'est le restaurant Midas. Route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas souhaite un franc succès aux organisateurs du championnat québécois de vélo de montagne qui aura lieu ce week-end à Saint-Félicien. Victor Véraud qui est participé en fin de semaine à Saint-Félicien au championnat québécois de vélo de montagne. Salut Victor. Allô? Victor, senior élite, t'as remporté cette catégorie-là. Est-ce que la compétition était quand même relevée lors de cette compétition-là pour toi? Là? Ben, le calibre relevé, pour un niveau québécois, pas vraiment. Okay. Vu qu'on a une grosse course dans deux semaines, la plupart des Québécois ont pris repos pour cette fin de semaine-là. Mais il y avait quand même un coureur là, avec qui je me suis disputé quand même, Anthony Bergeron chez Fougamo. Puis lui, il a été premier tout le long de la course, puis moi j'ai réussi à prendre une avance dans le dernier tour puis de dépasser pour finir en première position, mais sinon j'étais deuxième. Fait qu'il y avait quand même tu sais, je l'ai pas eu facile avec Anthony, mais ouais, le calibre était pas très élevé. OK, tu me dis que tu me parles de la compétition, tu me parles de des gens qui étaient au repos. Ça prend combien de temps bien récupérer d'une compétition, hein? Bonne question. C'est plus des entraîneurs qui gèrent ça, d'après moi, mais parce que, mettons, je sais que ça va être mieux pour la planification de la saison. Mettons, si on prend un repos, ben, présentement, mettons, dans cette fin de semaine-là, ben, y a possibilité d'en revenir plus fort, puis comme d'en regagner de la forme pour une fin de semaine dans deux semaines, là, qui est la course importante, là, qui est le championnat canadien. Mais toi, tu dois le sentir quand même. Quand tu fais une compétition, tu dois le sentir. Comment ça te... Tu peux dire que... C'est 2-3 jours certains. 2-3 jours que tu te sens un petit peu plus fatigué et ainsi de suite. Oui. Hey, dis-moi, en fin de semaine, je parlais avec Martin Demers, j'ai fait une entrevue avec, puis Martin me disait qu'ils ont refait un peu le club Toboski. Comment tu le trouves? Oui, ils ont tout le parcours a été refait là, presque en totalité cette année par des bénévoles puis un peu du monde qui travaille au tabou, là, puis ils ont fait vraiment une très belle job. T'sais, j'ai parlé un peu de monde après la course, puis moi-même, là, le parcours, là, c'est un des plus beaux qu'on avait à Saint-Félicien quasiment jusqu'à présent. Il y a une grosse toute la section du jour a été refaite, puis ben tu sais, la principale force du parcours à Saint-Félicien, c'est que les spectateurs peuvent voir du chalet. Ouais. On, presque la moitié de la course à partir du chalet, si on ne va pas ailleurs. Okay. Puis ils ont vraiment fait des belles améliorations tout au long du parcours, puis ils l'ont remis à jour. Mais pour les athlètes, c'est-tu plus dur, c'est-tu plus facile? C'est quoi en fait? Ils ont fait une partie d'une descente qui est plus. Ils ont comme amélioré, ils ont enlevé un peu plus des trous, puis tout. Fait que ça, c'est peut-être plus facile, mais nous autres, on a le plus de plaisir. Okay. Puis d'une autre place, ben, comme un exemple, on remonte la pente, la numéro 5, c'est elle en face du chalet. Okay. C'est une pente de ski, puis on la monte d'en bas à en haut en une seule montée, là, en faisant des S dedans. Puis ça, c'est une très bonne côte, là, tu sais. C'est elle qui faisait le plus mal en fin de semaine. Ah ouais, OK. Donc, ouais. c'est pas plus dur, c'est pas plus facile, là, en réalité, là. Ben, à part avec la côte que je vous parle, là, en plein milieu, la côte de la Sainte, là, il n'y a pas vraiment de place plus difficile, mais c'est sûr que cette côte-là, c'est une côte très demandante. Là, OK. Là, il se passe quoi avec toi d'ici la fin de l'année? Ben là, je me prépare justement pour partir cette semaine. Je pars jeudi pour l'Ontario, pour deux semaines. OK. Il y a une Coupe Canada en fin de semaine qui s'en vient. Ouais. Puis la fin de semaine, dans deux semaines, c'est les championnats canadiens, justement, la grosse course que je parlais, là. OK. C'est pas mal, c'est un de mes objectifs cette année de performance, admettons. J'aimerais ça faire un bon résultat là-bas. OK. Puis après ça, on va avoir deux ou trois semaines plus relax après. Puis par la suite, il va rester une Coupe Canada, je pense, puis les championnats québécois, puis ça va ressembler à ça. OK. Pour moi, pour ma saison, moi, ouais. Dis-moi, t'as compétitionné en Colombie-Britannique, t'as même participé en Europe cette année à quelques courses, hein? Oui, oui, j'étais allé 2 semaines en Europe au début de l'année. Ouais, comment t'as trouvé ça? Très fun, très belle expérience, premièrement. OK. Puis, je pense que j'ai pris beaucoup d'expérience parce que le calibre là-bas est très fort, très, très fort. T'sais, on était sur la ligne de départ, là, on était 150. Oh, OK. Fait que on n'est pas habitué vraiment à ces courses-là ici au Canada. OK. C'est pour ça que l'Europe est fort, puis c'est bon d'y aller, même si on performe pas dans les meilleurs. Mais l'expérience est très bonne vu qu'on court avec avec beaucoup de personnes, puis ça peut être bon pour le futur. Hein. OK. C'est une très belle expérience. C'est une belle expérience. Est-ce que les pistes sont plus dures un petit peu ou plus faciles là-bas? Ben, c'est pas vraiment que c'est là-bas, en fin de compte. C'est plus le fait que c'est une Coupe du Monde. Okay. Le niveau de course est plus élevé en général. Okay. Fait que le parcours, il va avec le niveau de course, puis il est plus élevé. Là. Okay. C'est sûr que le parcours est plus difficile aussi, ouais. Bon. Ben Victor, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le restant de l'année. On va s'en reparler certainement d'ici la fin de l'année pour voir comment ça va dans ton cas. Parfait. Victor Vinroux de Saint-Félicien.